il faut expliquer en quoi justement dire Allahu Akbar au moment où je vais prier doit relativiser tout cette espèce de nouveau champ de l'idolâtrie dans le polythéisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce nouveau type de polythéisme. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter cette éducation. On ne peut pas idolâtrer, idéaliser des stars et voir des gens qui sont, je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui au champ médiatique, il faut insérer ça, c'est-à-dire que c'est un nouveau contexte. Je veux dire, quand vous étiez dans la proximité de la Kaaba et qu'il y avait 360 idoles à l'époque du prophète, le la ilaha illallah, c'était ça. Le but, c'était de se libérer de ça, cette espèce d'orientation de l'attention à se prosterner conscience, corps et totalement envers des idoles. Et aujourd'hui, ce contexte, c'est pas 360 idoles autour de la Kaaba, c'est des idoles dans ta télévision, dans ta salle à manger. C'est ce type-là d'orientation qu'il faut travailler pour pouvoir se libérer. Donc il y a un certain type de discours, une certaine façon d'expliquer notre pratique. Si universellement et pour l'éternité, il y a 5 piliers de l'islam, ce qui va changer, c'est ce pourquoi le prophète a.s.w. a dit, il nous a expliqué qu'il allait envoyer chaque 100 ans. Il va envoyer à cette communauté quelqu'un qui va renouveler sa religion. Pas renouveler les 5 piliers. Les 5 piliers sont éternels. Mais c'est comment tu vas en parler dans ce contexte-là. Comment est-ce que tu vas lire ces piliers pour te libérer du lieu dans lequel tu es. Donc l'éducation, elle a ce contenu, il reste le même. Mais la façon dont tu approches, la méthode avec laquelle tu vas expliquer que les 5 piliers sont des piliers de libération. C'est les piliers d'une maison libre. Et la maison, c'est ton cœur. Et la maison, c'est ta conscience. C'est cela qu'il faut aujourd'hui comprendre. C'est-à-dire que cette éducation, elle doit garder les principes essentiels. Donc le principe du tawhid, il est le principe de Arkan al-Islam.